On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au sein de l'extérieur. Salut Benoît. Salut Dan, Radio Sport. Benoît, moi je veux rendre crédit à l'Impact de Montréal. L'Impact qui a une fiche quand même à 14 points, 4 victoires, 3 défaites, 2 nuls, 3 victoires, 3 défaites et 2 nuls à l'étranger. Donc c'est un bon rendement de l'Impact. Et tu sais qu'en MLS, c'est très difficile de gagner sur la route. Donc chapeau. Chapeau et on sait qu'en deuxième moitié de saison, on va jouer beaucoup plus de matchs à Saputo. Tout ça, c'est fait sans Ignacio Piatti. Bravo. Oui, très surprenant d'année le début de saison de l'Impact à l'étranger. Quand on regarde le classement en deuxième position, derrière le DC United, c'est sûr que quand tu regardes de la deuxième à la septième position, il y a juste 3 points de différence, mais quand même, il faut pas que l'Impact échappe 3-4 parties. Ce qui est important d'année, c'est que l'Impact échappe pas 3-4 défaites consécutives pour commencer à descendre dans le classement. Mais on peut perdre un match, mais on se reprend le match d'après. J'ai vu une statistique la semaine dernière, je pense que j'ai été veillé en sport, qui montrait que quand l'Impact perdait, le match d'après, on avait, depuis que Rémi Garde est là, il n'y avait pas de défaite, il n'y avait pas deux défaites consécutives. Ouais, c'est soit un match nul, ouais, soit une victoire. Donc, et l'équipe se relève bien de leur défaite. On va se rappeler la semaine dernière une défaite de 3-0, samedi dernier. On va se rappeler leur défaite contre Philadelphie Philadelphie. Et en milieu de semaine, mardi ou mercredi, victoire contre le New England Revolution, victoire de 3-0. C'était long à marquer, par exemple, les premiers buts. Je pense que c'était quoi, la 77e minute? Oui, bon, c'est une erreur du gardien, en fait. Ouais. Hein, le gardien adverse du New England a échappé la balle. Et puis, Summit Chaume a marqué son premier but avec l'Impact. Donc, et par la suite, on a vu Jackson Hamel. Est-ce qu'après-midi, demain, le match contre Chicago Fire, au Stade Saputo, à 12h30, est-ce qu'on va utiliser Jackson Hamel comme partant ou... On sait que Jackson Hamel, dans son passé, Danny, il était plus efficace quand il arrivait en 70-75e minute. C'est là qu'il a marqué ses buts souvent. Mais à un moment donné, il faut lui donner la chance aussi de peut-être être partant. Lui, j'imagine qu'il vise à être partant. Parce que là, on va jongler entre lui et Urruti. Urruti n'a pas fait grand-chose à date. Il bouge beaucoup en avant, mais il n'a pas marqué encore cette saison. Alors, c'est là que... Puis Urruti, peut-être c'est un complément pour Piatti aussi. Mais là, Piatti, on a dit aujourd'hui ou hier qu'il avait recommencé les entraînements. Donc, à voir pour le futur. Mais oui, Danny... Super début de saison de l'Impact, c'est intéressant à suivre. Ouais, effectivement, puis on va jouer contre Chicago ce soir, puis là, le mercato qui s'en vient. Un qui connaît tout un début de saison, c'est Jackson Hamel. Surprenant. Moi, je dirais Jackson Hamel, c'est les deux premiers buts qu'il vient de marquer. Moi, je pense que le joueur, personnellement, à mon avis, le meilleur joueur à date, c'est Samuel Piette. Oui, mais je te parle, il fait quand même un bon travail, c'est ça que je veux dire. Oui, mais Danny n'est pas utilisé souvent, là, dans Jackson Hamel. Si on regarde un peu son temps de jeu, il n'est pas très utilisé souvent. Oui, mercredi, il a marqué 2 buts, ses 2 premiers de la saison. On l'a vu, un autre match qui a eu lieu en milieu de semaine, il y a quelques semaines déjà, 2-3 semaines, il avait fait un bon match aussi, mais il n'avait pas marqué. Mais c'est ça, je veux dire. Pour moi, je mettrais Samuel Piette puis le gardien Evan Bush dans les buts. Mais pour un gars, ce que je veux dire, c'est que pour un gars qui l'année passée, on ne savait pas s'il allait partir de l'Impact, je trouve qu'il se débrouille quand même assez bien cette année. Ben, je pense qu'il a réussi à aller chercher la confiance à l'entraîneur Rémi Garde. Parce que Garde n'avait pas de l'avoir confiance l'an passé, rappelle-toi. Ben, je me souviens très bien, il l'avait mis de côté complètement, mais... Parce que j'ai été surpris quand même qu'il revienne avec l'Impact cette année. Je pense qu'on lui a donné une deuxième chance. Puis il ne faut pas oublier que c'est un Québécois, un gars de Québec, un gars de Limoilou. Mm. Alors, je pense que c'est important que l'Impact garde ses joueurs d'origine d'ici, du Québec. Donc, à voir pour le futur. Mais j'espère qu'il va avoir un 11 partant à un moment donné. Mais le moment qu'on va lui donner un départ de match, il va falloir qu'il réponde présent aussi. Ouais. Hey, parle-moi de... J'aurais voulu te parler, mais... Atlanta United, ça va pas bien du tout, là. Son dernier. Le FC Toronto, l'année passée, puis ils ont gagné la MLS l'an passé. Le FC Toronto, ça a été une saison catastrophique l'an passé, ils se replacent cette année. C'est. Ben, la MLS d'année, c'est un circuit qui est très serré. D'une semaine à l'autre, chaque équipe. Ouais. On peut battre l'autre équipe. Maintenant, c'est au fil des matchs, au fil des semaines. Chaque match, chaque points qu'on échappe est important quand on va arriver en fin de saison. Et là, on voit qu'Atlanta commence à tirer de la patte pas mal. Ils ont changé leur entraîneur. Hein? Tata Martino n'est plus là. Ils ont quand même une belle foule encore, des supporters qui les suivent quand même. Mais ils ont perdu un bon joueur aussi Calmeron, je crois, là, que t'es un excellent milieu de terrain attaquant, là, offensif, qui est plus là. Ils ont gardé Martinez, mais, ils auraient dû garder ce joueur-là. Donc, c'est un début de saison dur pour Atlanta. Donc, à voir un peu pour leur saison. Mais comme je te dis, il faut pas trop qu'ils échappent de match, là. Il faut qu'ils reviennent avec quelques victoires consécutives pour se remettre dedans, là. OK. Je veux te parler maintenant de la Ligue des Champions. Depuis que c'est plus RDS, je l'ai perdu complètement, là. Comment ça va? Danny, il n'y a pas RDS dans la vie, hein? Je sais, là, mais DAZN, écoute. Écoute, moi, je suis. Moi, je suis DAZN. Mardi, mercredi prochain, match aller, demi-finale. Le gros rendez-vous des demi-finales, ça va être Liverpool, FC Barcelone. Okay. Donc, le match aller sera mercredi. Et mardi, on va avoir de l'autre côté Tottenham. Tottenham qui va jouer contre. L'autre équipe m'échappe, Danny. Va être un bon match aussi, là. Mais en tout cas, moi, je pense que le gros rendez-vous des demi-finales, ce sera vraiment Liverpool et puis Barcelone. J'essaie de trouver le club qui va jouer contre Tottenham. Tottenham a battu Manchester City et on a de l'autre côté, moi, je le trouve pas, Danny. Écoute, en tout cas, ça devrait être intéressant de voir ça. Moi, je pense que Barcelone, Messi commence à être fatigué en début de saison. Barcelone joue après-midi. On devrait remporter la Liga espagnole. Je pense que Barça devrait, on vise vraiment un gros cette saison avec Barcelone, là. Et puis, à voir. Mais on a tout misé sur la Ligue des Champions. On a commencé à faire reposer Messi un peu dans les matchs officiels. Parce que Messi a vraiment une grosse saison, devant lui. Donc, à voir par rapport à ça, là. OK. Donc, Juventus, encore une fois cette année, hein? Encore une fois, ils ont remporté un autre championnat. Juventus en Italie, c'était prévu. On est allé chercher Ronaldo en espérant faire une meilleure performance en Ligue des Champions. On n'a pas réussi, mais quand même, je pense que c'est le 8e ou 9e consécutif. Ils font cavalier seul un peu en Italie. C'est le championnat anglais, Danny, qui est très intéressant à suivre en fin de saison. Là, présentement, là, on a une course pour le championnat entre Liverpool et Manchester City. Ça va être très intéressant à voir. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qui de ces deux équipes-là. Présentement, Manchester City a un point d'avance sur Liverpool. Et Liverpool a remporté son match hier 5-0. Donc, à voir, ça va être très intéressant là d'ici la fin de la saison, là, comment ça va se fonctionner. Tantôt, Danny, je te disais qui était l'équipe contre Tottenham. Mais écoute, c'est l'équipe surprise, c'est l'Ajax d'Amsterdam. Okay. Je trouvais pas le club. Là. Ils ont battu quand même. C'est eux qui ont surpris le Juventus et qui ont surpris le Real Madrid. Donc, une équipe de jeunes qui vont être très surprenants à voir. Le match aura lieu mardi, le 30 avril, en après-midi. Ça va être un bon match, le match aller. Les matchs de retour seront la semaine prochaine. Et je pense que moi, je miserais une finale Liverpool, Barcelone, Ajax, parce qu'ils ont quand même causé deux surprises. Et on sait qu'ils vont presque perdre tous les joueurs en fin de saison. C'est des jeunes joueurs et tous les gros clubs vont s'arracher ces joueurs-là là, lors du mercato d'été. Là. OK. Autre chose à ajouter peut-être en terminant? En terminant, le Canada Gold Cup, ça s'en vient. Ouais. Le tirage a été fait. Ça va être intéressant de voir ça. On en parlera peut-être dans une prochaine chronique pour l'été. Je crois que dans leur groupe, il y aura le Mexique à affronter. Il n'y aura peut-être pas... les deux autres matchs sont accessibles, mais le match contre le Mexique sera difficile. Il faut rappeler que le Canada, il y a Samuel Piette qui est là, Broguillard, il est là aussi, il y a Maxime Crépeau qui est là aussi, des Québécois. Il y a Alphonso Davies qui avait été blessé, mais qui revient. Tantôt, on n'en a pas parlé, mais Alphonso Davies, on sait qu'il est en Allemagne présentement, c'est le Bayern qui a peut-être remporté le championnat. Alphonso Davies est pas toujours dans le 11 partant, mais il est toujours sur la liste des joueurs sur le banc. Okay. C'est intéressant, là, le jeune du jeune Canada. Le jeu d'être là, c'est incroyable. Puis le gars est 19 ans. Quoi, c'est 19 ans? Là? Oui, 19 ans. Donc, 19 ans, là, c'est exceptionnel. Benoît, sur la scène régionale, tu sais qu'à partir de cet été, quand les ligues vont commencer, on va avoir une chronique par semaine sur le soccer régional. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Annie, petit guillemet pour le soccer régional, juste dire que la Ligue Québec Métro, les dirigeants de la Ligue ne voulaient pas avoir les équipes de la région trop d'équipes de la région parce qu'on voulait pas trop descendre au Lac-Saint-Jean, mais la fédération a mis son droit de veto. C'est allé assez haut dans les instances de la fédération et puis l'association régionale de soccer a gagné son droit d'envoyer des équipes, là, des gros clubs de la région. Donc, il y a 12 équipes cet été qui vont participer. La Ligue ne s'appelle plus Québec Métro, a été transformée, la Ligue Québec Centre. Ah, okay. Et il y aura 12 équipes de la région. Il y a 6 équipes du club d'Alma qui vont participer à cette ligue-là. 3 équipes de Jonquière et 3 équipes de Chicoutimi. Donc ça, c'est comme du 2A, si tu veux, mais d'un niveau plus élevé. Et les autres équipes, ben puis ça va commencer le 12 mai. Donc ça part, les équipes vont, le samedi 12 mai, ça va commencer à aller jouer à Québec et les équipes de Québec vont venir ici. On parle de Rimouski aussi, on parle de Limoilou. Il y a plein de clubs dans ce coin-là. Donc ça va être intéressant de suivre ça. On fera un portrait de ces équipes-là. Et au niveau régional, plus régional, local et régional, ben t'as des ligues là, qui vont se partir là à partir de fin mai, début juin. Déjà les terrains synthétiques, qui ont des endroits qui ont des terrains synthétiques, ça commence à pratiquer un peu. Donc ça s'en vient. On fera un tour de table là, avec toi là, lors des prochaines chroniques. Effectivement. Hey, j'étais en train d'oublier quelque chose. As-tu vu passer qu'on tente d'organiser peut-être une équipe réserve de l'Impact à Québec? As-tu vu passer ça? Non, je n'ai pas vu passer, Danny. Fait que ça doit être, j'imagine, la Ligue canadienne de soccer. C'est-tu commencé d'ailleurs, la Ligue canadienne de soccer? Est-ce que les activités sont commencées? Je ne l'ai pas vérifié tellement parce qu'il n'y a pas d'équipe au Québec. Fait qu'on a vu passer ça trop tôt. Okay. Écoute, je sais pas le niveau de cette ligue-là. Si on le compare par rapport à la PLSQ, là, la Ligue première, la Ligue semi-pro au Québec. Fort, ça doit ressembler à la NASL ou encore la 3e. Non, d'après moi, ça doit ressembler d'après moi à la PLSQ, là, la semi-pro. Là. Ça doit être dans ces niveaux-là, là, parce que là, c'est à l'extérieur du Québec. Non, et là, bon, on n'a pas d'équipe. C'est pas parce que c'est pas au Québec que c'est pas bon. Là. Faut pas que tu oublies ça. Là. Je connais tes racines politiques, mon Benoît. Fait que... c'est pas ça que je dis. Cette ligue-là, Danny, elle vient de se mettre en place, mais il n'y a pas d'équipe du Québec. Je veux dire, mais les équipes du Québec se sont pas tournées pour aller jouer là. Je te taquine. Ouais, pas de problème. Mais je pense que le Fury d'Ottawa est là. Non, le Fury, non. Fury n'est pas là. Il devait y aller, il y avait, puis il est arrivé quelque chose finalement. Fait que, une drôle de ligue. On regardera ça un moment donné. Qu'est-ce que c'est? On s'en reparlera. Benoît, on s'en parle bientôt. On invite à aller sur ton site espacesoccer.com, la référence soccer au Saint-Jean. Yes, salut Danny, bonne semaine. Merci Benoît.